Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les titres. 16 commissionnaires de bétail sont sous le verrou au cachot du commissariat de police de Gachikana. Nous sommes dans la province Ngozi depuis ce mercredi à Gihanga. Nous sommes dans la province Bubanza. Plus de 100 vaches ont été gardées toute la journée de ce mercredi. Leurs propriétaires sont accusés de violer la mesure de stabilisation permanente en vigueur. Et la parsème, la parole à l'action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités trouve que le retard dans l'octroi des documents de voyage est une perte pour le pays. Le directeur national de cette organisation appelle le gouvernement à trouver solution à ce problème. Dans cette édition, l'on vous parlera également du projet d'électrification des routes protocolaires. L'annonce a été faite par l'agence routière du Burundi qui rassure que les moyens financiers sont disponibles. Voilà pour les titres. Bienvenue pour détail. François Akimana sur la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, 16 commissionnaires de bétail sont depuis ce mercredi au cachot de la police judiciaire de Gachikana en province Ngozi. Ils ont été surpris par la police au marché de bétail de Viegua dans cette commune qui se tient tous les mercredis. Cela se passe au moment où le gouvernement a interdit cette pratique qui désoriente les acheteurs et vendeurs et pousse même à la hausse des prix des animaux. L'administrateur de Gachikana, Théophile Nibizi, indique que ces personnes seront libérées après paiement d'une amende de 5 000 francs chacune. Il met en garde les récalcitrants. Ngozi cap sur Bubanza, où plus de 100 vaches ont été gardées sur le terrain de jeu de Kakagwema, en commune Gihanga de cette province, toute la journée de ce mercredi. Elles étaient en train de brouter à Kagwema sur les terrains en conflit entre la population et le camp militaire de Mudubugu, selon les sources administratives. Le Ponda Isaba, administrateur de Gihanga, explique que les propriétaires de ces vaches ont payé une amende de 5000 francs par tête de bétail et demande à tous les éleveurs de respecter la mesure de stabilisation permanente Spes Caritas Kabanyana. Plus de 100 vaches réparties dans 9 tables de la colline Kagwema en commune Gihanga ont été attrapées par les habitants de la localité ce mercredi en collaboration avec l'administration et la police car elles étaient en train de brouter dans des terrains en conflit entre la population et le camp militaire de Mudubugu. Toutes ces vaches ont été alors conduites sur le terrain de jeu de Kagwema. Léopold Isaba, administrateur de la commune Gihanga, explique qu'une amende de 10 000 francs par tête a été exigée aux éleveurs qualifiés de récalcitrants. La population nous a vraiment annoncé qu'il y a des vaches qui sont en train d'errer dans le terrain conflictuel entre les militaires et la population à Mudubugu. Nous avons attrapé, nous avons amené à cette localité sur le terrain de Kagwema pour pouvoir annoncer aux propriétaires, aux éleveurs, pour pouvoir venir afin que nous puissions prodiguer des conseils à leur endroit et aussi afin de pouvoir infliger de l'amende administrative. Un éleveur rencontré sur place et qui réclamait ces 11 vaches nous a expliqué qu'ils ont un problème de pouvoir nourrir leur troupeau et que ces vaches s'évadent quelquefois à la recherche des pâturages. L'administrateur de la commune Gihanga demande à tous les éleveurs de respecter la mesure de stabilisation permanente. Donc nous lançons un appel vibrant à ces éleveurs, surtout aux récalcitrants, d'adhérer massivement à cette politique, cette bonne politique de stabilisation permanente. Cela étant, les cultivateurs rencontrés sur les lieux nous ont précisé qu'ils reconnaissent actuellement que le conflit avec les éleveurs ont sensiblement diminué grâce à la mesure de la stabilisation permanente. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Le manque de documents de voyage est un problème crucial pour le pays. Ce sont les dires de Faustin Dikumana, économiste et directeur national de la PARSEM. Il le dit au moment où les demandeurs de ces documents de voyage passent beaucoup de temps à attendre ces derniers. Faustin Dikumana déplore une telle situation tout en demandant au gouvernement de prendre en main cette question et la résoudre sous verrée. Le document de passeport est un document vital dans le mouvement des biens et des personnes. Le commerce, pour faire le commerce, les opérateurs économiques, les voyages, le document, et même dans cette situation de chômage exagéré, le document de voyage est une solution pour que les Burundais puissent être libres de mouvement, aller chercher du travail en emploi ailleurs, aller démontrer leur expertise ailleurs et pour pouvoir subvenir aux biens, subvenir aux besoins de leurs compatriotes. Rester ici sur place au niveau du transfert de l'argent. Ça peut même aussi contribuer à la résolution de cette crise des devises. Sinon, l'absence des documents de passeport, on dirait que le Burundi est un pays fermé actuellement. Si les gens ne sortent pas librement, c'est un pays fermé. Toute l'énergie nécessaire doit être déployée pour que le problème de passeport trouve solution. Imaginez-vous quand vous demandez un rendez-vous actuellement au mois de janvier. On vous donne la réponse que vous allez obtenir le rendez-vous au mois d'août. Ça, c'est inimaginable. Ça, c'est institutionnaliser la corruption. C'est libre, il faut rectifier le tir, il faut changer le tir. Très récemment, le président de la République a répondu à la question en appelant au ministre de l'Intérieur. On a dit qu'il y a une disproportion entre la demande et les commandes des documents de passeport. Mais quand même, ça ne tient pas parce que si on vous demande un rendez-vous au mois de janvier, on attend au mois d'août. Est-ce que les prévisions au niveau de la demande ne sont pas visibles, ne sont pas calculées? Est-ce qu'il y a un service qui ne parvient pas à calculer, à évaluer les demandes, la quantité de demandes et pour opérer à la commande? Si c'est l'image du pays qui est en jeu, nous demandons vraiment au gouvernement, nous imposons au gouvernement vraiment d'analyser la lourdeur de cette question, en faire une priorité, la priorité des priorités. Et nous crions haut et fort pour que ça cesse. Le gouvernement doit déployer toute l'énergie nécessaire pour vraiment juguler cette situation qui pèse lourdement sur les esprits des Burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h03, le journal continue sur Isanganiro. L'agence routière du Burundi, ARB, annonce le projet d'électrification de la voirie urbaine, à commencer par les routes protocolaires de la mairie de Bujumbura et d'autres en cours de réhabilitation. Le directeur général de cette agence, ingénieur Régis Mawenayo, fait savoir que la régie des eaux a déjà commencé les travaux où seront mis les poteaux électriques. Les moyens financiers de la part de l'État et ceux des partenaires sont déjà disponibles, précise ingénieur Régis Mawenayo. Une route bien éclairée, c'est une route sécurisée parce que, en plus que ça permet aux automobilistes de voir là où ils voient ou bien les piétons, ça permet aussi d'éviter les vols parce que pendant la nuit, il y a des gens qui se font cambrioler le long des routes. Donc c'est très important d'éclairer et on a déjà commencé, comme vous l'avez vu, on a déjà commencé à creuser des fossés dans lesquels on va placer les poteaux. Donc on va éclairer les axes protocolaires qu'on a choisis. Évidemment, ce n'est pas que sur ces axes protocolaires. Ça demanderait un gros budget de dire qu'on va éclairer toutes les routes, mais les routes protocolaires, on va les éclairer. On va éclairer également toutes les nouvelles routes qu'on va construire, comme on l'a fait à l'axe aéroport international de Bujumbura. Par exemple, on va réhabiliter la RN9, rond-point des Nations Unies jusqu'à la rivière Gikoma. Là, on va éclairer. Bientôt, on va aussi réhabiliter le tronçon RN3 jusqu'à Gitaza, la partie ville de Bujumbura. On va aussi éclairer pour que effectivement à cet endroit-là, les routes soient éclairées et éviter ainsi les déboires que je venais de dire un peu. De toutes les façons, les moyens financiers sont toujours à gérer. C'est-à-dire que c'est suffisant ou que c'est trop suffisant. En tout cas, pour les travaux qu'on a débutés, on a les moyens pour le faire. On nous a donné les moyens pour le faire. On pense qu'on va arriver au but. Des formations complémentaires pour les journalistes et le manque de moyens financiers suffisants dans les médias sont certains des défis qui s'observent dans les médias burundais. Propos de la présidente du Conseil national de la communication ce jeudi lors de la séance de validation d'un plan stratégique et triennal du CNC. Ambassadeur Vestine Nahimana précise que dans ce plan, le CNC compte mettre en place le fonds pour appuyer les médias burundais. Et les femmes sont les plus exposées aux défis liés à la sécurité alimentaire. Propos de la présidente de l'association des femmes et journalistes AFJO lors de l'ouverture d'un atelier de formation à l'endroit des membres de la dite association sur la couverture médiatique des sujets relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce jeudi, Diane Ndonsé espère qu'après cette formation, des journalistes vont couvrir des thèmes pareils. Suivez. Nous avons constaté que les questions relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne sont pas suffisamment couvertes par les médias. Quand on traite les informations en rapport avec ce sujet, c'est quand les médias sont invités par les organisations non gouvernementales et c'est là que les médias ont l'occasion de traiter ce genre d'informations. Mais en invitant les femmes journalistes à cet atelier, nous espérons que cette fois-ci, elles sont des gens sensibles aux questions genre parce que la question sécurité alimentaire et nutritionnelle, ça concerne énormément les femmes en général. Parce que c'est elle qui prépare la nourriture pour la famille, c'est elle qui nourrit les enfants, parce que dans l'exposé qu'on vient de nous faire, on nous a montré que les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans sont beaucoup touchés par la malnutrition. Et quand on parvient à nourrir suffisamment une femme enceinte et son enfant de moins de 2 ans, et là, c'est toute la population burundaise qui est nourrie. Et comme ça, on peut dire qu'on est en train de contribuer à lutter contre la malnutrition en général dans le pays. Et pour boucler cette édition, plus de 50 fabricants de pain et de la farine complète sont déjà fait enregistrer au bureau burundais de normalisation. Dans une conférence de presse animée la semaine dernière, le directeur général du bureau burundais de normalisation a expliqué qu'ils demeurent moins nombreux après plus de 4 mois qu'on a fait appel à leur enregistrement. Severus Ndekengera indique en outre qu'ils doivent impérativement se faire enregistrer pour faciliter le contrôle de la qualité dans ce secteur. Et sur l'établissement des listes des gens qui fabriquent le pain et la farine complète ou farine de bouillie pour venir se faire enregistrer dans le but de connaître leur effectif en vue de les former, surtout dans le management de la qualité et de leurs produits. Jusqu'à présent, ceux qui fabriquent la farine de bouillie ou le pain, c'est seulement 55 fabricants qui se sont fait enregistrer. Je pense qu'il faut continuer à venir, on va faire appel pour qu'ils viennent encore s'enregistrer. Et après aussi, on va s'adapter à l'état des lieux, à la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Comme par exemple maintenant, ce qui se passe dans les informations, comme vous le savez, les liqueurs qui sont acquises, n'est-ce pas, de nuire à la santé des consommateurs, surtout aux Agara et Kik. Nous voyons ici au bureau de normalisation, même ailleurs, que ce problème ne réside pas à la fabrication de ces liqueurs, mais le problème, c'est la quantité emballée. Il faut que la quantité de ces produits alcoolisés soit emballée dans des emballages qui ont une quantité, un volume un peu élevé. Et comme ça, les gens qui ont peu d'argent n'auront pas la capacité de s'en approprier. Severin Sindaikengera est directeur général du bureau burundais de normalisation. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Gardez l'écoute. Le programme continue sur Isanganiro.